Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la résistance française, dirigé aujourd'hui par Martin Pelletier. Diffusé en direct mercredi 27 avril 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 28, dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Rebonsoir, il est 19h32, c'est toujours Martin Pelletier sur Radio Courtoisie pour le libre journal de la liberté surveillée. Et je reçois en deuxième partie Jérôme Bourbon, directeur du Rivarol. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Avant de commencer, je dois lire une annonce. Alors l'annonce est la suivante. Le Cercle du Prince de Talmont propose une conférence sur les thèmes « Délinquance » multi-récidiviste droit des victimes, donné par l'association Institut pour la justice le 28 avril, c'est-à-dire demain, 2016, à 20h, à la brasserie Le Globe, aux 9 places de la République, 9 places de la République, au centre de la ville du Mans. Entrée 4 euros étudiant, donc c'est au Mans, au Globe, 9 places de la République, entrée 4 euros étudiant, 2 euros. Alors, il me restait deux questions qu'on n'a pas pu écluser. Une peut-être intéressante, je ne sais pas si ça vous dit avant que nous commencions, sinon on va simplement oublier si ça ne vous dit pas. Quelle était la position d'Hitler sur la franc-maçonnerie? Est-ce que vous avez des lumières là-dessus? Non, c'est vraiment quelque chose de tellement spécialisé, je veux dire que moi je n'en sais strictement rien. Donc, oui, moi j'avoue ne pas savoir précisément. Nous, on ne va pas passer sa vie à parler d'Adolf Hitler, qui est un homme politique comme d'autres, parmi d'autres, et voilà, un personnage historique qui n'est pas le sujet de notre émission. Alors, notre émission, c'était la journée organisée, le banquet organisé le 9 avril par l'hebdomadaire Rivarol, dont vous êtes le patron. Alors, est-ce que d'abord, vous pouvez dire pourquoi, comment ça avait été organisé, puis comment ça s'est passé, ça s'est déroulé? Très volontiers. Eh bien, cette année, nous célébrons notre 65e anniversaire, puisque le journal a été créé en janvier 1951, et nous avions choisi la date du 9 avril, pour deux raisons. La première, c'est que François Brignot a été un de nos cofondateurs et il est mort le 9 avril 2012. Et la deuxième raison, c'est que il y a un an, un entretien qu'avait donné Jean-Marie Le Pen à Rivarol a conduit à sa suspension puis à son exclusion, et le journal où avait paru cette interview était daté du 9 avril 2015. Donc, d'une certaine manière, c'était une façon de mettre en lumière... C'est un petit clin d'œil. Voilà, c'est un petit clin d'œil, voilà. Et puis, donc, cette année, nous fêtons, donc, comme je le disais, notre 65e anniversaire, et donc, nous avons souhaité, à cette occasion... Puisque dans la mouvance nationale, maintenant, il n'y a plus beaucoup de banquets, de lieux de rencontres. Et le nationalisme, c'est aussi, pas seulement, mais c'est aussi une amitié. Et il paraissait intéressant que les lecteurs puissent échanger, que des personnalités aussi puissent se rencontrer. Et créer une forme de convivialité. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes souvent très isolés des uns des autres. On est relié au téléphone portable et à l'ordinateur, mais on n'est pas toujours relié comme il le faudrait avec son prochain, et notamment avec des gens dont on partage beaucoup de convictions, mais qu'on n'a pas forcément toujours l'occasion de rencontrer souvent. Et une façon de remplacer un peu les BBR qui font cruellement. Je n'aurai pas cette prétention, mais il est vrai que l'absence des BBR, apparemment définitive, comme maintenant la suppression du défilé de Jeanne d'Arc, eh bien, raréfie les les occasions physiques de se rencontrer, d'échanger, ce qui est évidemment très regrettable. Est-ce qu'on entre dans un nationalisme virtuel avec le nouveau Front National, justement? C'est vrai, il n'y a plus de contact physique. Moi, je n'ai pas l'impression non plus qu'il y ait beaucoup de militantisme. Or, militant, c'est un beau mot. D'ailleurs, on parle de l'église militante pour les fidèles de la terre, et miles, le soldat, en latin, et des électeurs, ça n'est pas suffisant. Des militants, c'est quand même extrêmement important, et de ce point de vue-là, effectivement, c'est sûr qu'il y a une crise de l'engagement aujourd'hui, pour des raisons diverses, mais incontestablement, de toute façon, je pense que lorsqu'on ne défend pas des convictions fortes, on n'est pas animé par une forme d'amour de la vérité, de zèle, c'est peut-être difficile, me semble-t-il, d'avoir beaucoup de militants. Mais là, justement, ce qui avait de frappant, c'est vous avez refusé du monde, il y avait du monde, des jeunes, des vieux, des royalistes, des socialistes nationaux, des libéraux comme Henri de Lesquin, le patron de Radio Courtoisie, qui était là. Il y avait beaucoup de monde et il y avait quand même des premiers couteaux, notamment Jean-Marie Le Pen, on va y revenir, mais il y avait ça donnait le sentiment de militant, de... non C'est vrai que j'avais beaucoup de nostalgie parce que j'avais l'impression de revivre peut-être une dernière fois, j'espère que ce n'est pas le cas, mais ce qu'on a vécu dans les années 80, 90, où il y avait une grande ferveur, une grande effusion, et tout ça a un petit peu disparu. Et je voulais aussi un petit peu rendre hommage, d'une certaine manière, quelles que soient les divergences qu'on a pu ou qu'on peut avoir ici et là, à des personnalités aussi éminentes que Pierre Sidos, qui va fêter ses 90 ans dans quelques mois, que Jean-Marie Le Pen et que le professeur Forisson également, dont on ne pourra peut-être pas trop parler ici, compte tenu. Non, il est bon de savoir qu'il était là et qu'il a pu parler, s'exprimer en toute liberté. Absolument. Et qu'à son âge, il y avait trois personnes, les trois dans leur spécialité, si j'ose dire, ont marqué le XXe siècle, c'est clair. Incontestablement. Les trois ont entre 87 et 89 ans. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce banquet cette année, parce qu'on espère que tous vivront le plus longtemps possible. Mais à cet âge-là... Même si on sait que les cimetières... Effectivement, il y a des gens de tous âges qui y sont. Mais enfin, il me paraissait quand même bon de le faire cette année. Je sentais vraiment que c'était le moment de le faire. Et je dois dire que moi, tous ces trois personnalités, il en est d'autres, mais ces trois personnalités m'ont beaucoup apporté sur le plan intellectuel, politique, et effectivement, je leur suis très attaché, même si on peut parfois avoir des désaccords sur tel ou tel point, et je trouvais que c'était une façon, un petit peu, en les mettant à l'honneur, en quelque sorte, de leur rendre hommage. D'abord, c'est une mémoire, que ce soit sur le plan politique, que ce soit Sidos ou Jean-Marie Le Pen, c'est quand même des gens qui ont une expérience politique et militante depuis plus d'un demi-siècle, des souvenirs extraordinaires, et donc il y a une transmission. Vous savez, on vit dans une époque qui repose vraiment sur la crise de la transmission. On ne nous transmet plus rien, ni la foi, ni les principes, ni les vertus, ni la politesse, ni le savoir-vivre. Et je crois vraiment que depuis le début des années 60, il y a vraiment une rupture de la transmission qui est absolument effrayante, une coupure générationnelle. Et à ce propos, est-ce que vous pouvez peut-être en dire un peu plus ? C'est sans doute sans précédent dans l'histoire, oui. Oui. Un peu plus sur Pierre Sidos, parce que évidemment, Jean-Marie Le Pen et Robert Forisson, leur coefficient de notoriété reste quelque chose de tout à fait extraordinaire. Tandis que Pierre Sidos, déjà, il est un peu dans les mémoires un peu plus loin. Et l'œuvre française, c'est pourtant quelque chose d'important. Je crois que c'est le Premier ministre Manuel Valls qui a dit que c'était, je le cite, la matrice de l'extrême droite. Et c'est pas faux, quelque part, en un sens que beaucoup de gens ont commencé chez lui, d'ailleurs y compris des gens qui après ont été dans la droite parlementaire, comme Madeleine, qu'il a très bien connu, ou Longuet, à Occident, puisqu'il était un peu le parrain du mouvement Occident. Mais disons que, comme il le disait au banquet, il a connu quatre dissolutions dans sa vie, Pierre Sidos, puisqu'il a connu la dissolution du mouvement franciste lorsqu'il était jeune, à la Libération, et puis il a connu la dissolution de Jeunes Nations au moment du 13 mai 58, des événements d'Algérie, la dissolution du Parti Nationaliste sous De Gaulle en 59, et enfin, vers la fin de sa vie, la dissolution de l'œuvre française en 2013. Elle est récente. D'ailleurs, dissolution tout à fait scandaleuse, puisque ce mouvement n'était ni de près ni de loin impliqué dans le drame qui avait causé la mort d'un jeune militant d'extrême gauche. Et donc c'est vraiment une dissolution purement idéologique, arbitraire, qui a été validée par le Conseil d'État de manière tout à fait scandaleuse. On vit vraiment dans un régime liberticide. Je ne sais pas si on aura l'occasion tout à l'heure, mais on a appris il y a quelques jours que le blogueur Boris Lelay, talentueux, a été condamné il y a quelques jours à 2 ans de prison ferme pour, je cite, incitation à la haine raciale, c'est-à-dire en réalité pour un délit d'opinion, quoi. Et 2 ans de prison ferme, je crois que c'est sans précédent en France. Absolument, mais parlons-en tout de suite, parce qu'on n'est pas censé de se tenir à... D'accord. Mais parlons-en tout de suite. Vraiment, la question de... Conversation à bâton rompu, voilà. Ah oui. Comme une conversation au coin du feu. Exactement. Le lait, est-il apparenté à l'ancien directeur de TF1? Pas ma connaissance. Non, pas ma connaissance. Non, il vit au Japon actuellement. Est-ce qu'il a été obligé de s'exiler? Oui. Comme Vincent Renoir est obligé de s'exiler en Angleterre, où d'ailleurs il vient de perdre les 2 travaux qu'il avait, puisque vous savez qu'à l'origine il est enseignant en mathématiques et en sciences physiques. C'est un pédagogue né et il donnait auprès d'un institut de manière tout à fait légale des cours où il donnait d'ailleurs parfaite satisfaction. Mais lorsque ses employeurs ont appris ses activités sur Internet, eh bien, il a été chassé du jour au lendemain. C'était auprès d'expatriés français à Londres qu'il donnait ses cours. Et bon, mais si vous voulez, que ce soit Renoir, s'agissant du révisionnisme historique, que ce soit Boris Lelay dans sa critique sans concession de l'immigration, de la société métissée, multiculturelle dans laquelle nous évoluons aujourd'hui, eh bien, ils ont été obligés de s'exiler, l'un au Japon, l'autre en Angleterre, pour, dans l'espoir de poursuivre leurs activités qui étaient essentielles aujourd'hui d'ailleurs sur Internet, essentiellement d'ailleurs par des vidéos ou par des textes. Et il est bien évident que cela montre que l'on a, dans notre famille de pensée, à juste titre, combattu le communisme, mais à bien des égards, nous vivons dans un pays communiste. D'ailleurs, le communisme, c'est le refus de la patrie, de la famille. Or, je pense que la famille est beaucoup plus attaquée aujourd'hui qu'elle ne l'était même sous l'Union soviétique. Bon, et que dire de la patrie aussi, où il n'y a plus de frontières, quoi, et, hein, où on vit dans une forme de village planétaire. Alors, pour en revenir à Boris Lelay, du 3 mots, ce parce qu'il est beaucoup moins connu quand même dans nos milieux que Renoir, du cas Lelay lui-même. Oui, bah volontiers. Bah, c'est un blogueur nationaliste breton, si tant est qu'on puisse parler de nation bretonne. Ça, j'entrerai pas dans ces discussions ici, c'est pas le sujet, mais en tout cas, c'est quelqu'un de tout à fait sincère et courageux dans son engagement, et non seulement est talentueux, coruscant, mais qui dit ce qu'il pense. Et nous sommes dans une société aujourd'hui où, lorsqu'on dit ce que l'on pense, surtout si c'est parfois un petit peu brut de décoffrage, eh bien, évidemment, cela peut conduire non seulement à des amendes considérables, mais même à des peines de prison fermes. Et par exemple, il avait pris une peine de prison de 6 mois ferme, je dis bien ferme, pour avoir dit que, selon lui, il ne pouvait pas y avoir de Celtes noirs. Parce que, bon, les Celtes, voilà, ça correspond à une définition ethnique, oui. Ça n'a en rien une appréciation dépréciative à l'égard des Noirs, évidemment, mais simplement, voilà, c'est comme ni si à, on disait... Ni à l'égard des Celtes, voilà, d'ailleurs. Ni à l'égard des Celtes. C'est comme si on disait au Japon que, bon, un Japonais, en principe, c'est quelqu'un de race asiatique. On n'imagine pas, quand on parle d'un Japonais, on n'imagine pas immédiatement un tirailleur sénégalais. Bon, voilà. Donc, il y a des réalités objectives. Mais maintenant, dire cela, c'est presque dire des gros mots, quoi. Et c'est quand même quelque chose qui est hallucinant. Et donc, rien que pour avoir dit cela, il avait eu 6 mois de prison ferme. Et là, pour avoir critiqué un jugement qu'il condamnait également, je crois, une peine de prison ferme, on l'a donc condamné à 2 ans de prison ferme. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se fait que c'est 2 ans, puisque la loi prévoit jusqu'à 1 an de prison ferme? Mais tout simplement parce que dans une autre affaire, il avait eu une peine d'1 an de prison avec sursis. Et le sursis est tombé, donc ça fait 2 ans, et le tribunal de Brest, puisque c'est celui-là qui l'a condamné, eh bien, a assorti cette condamnation d'un mandat d'arrêt. Donc il y a vraiment une volonté de l'embastiller, alors qu'il suffit d'aller sur Google et taper 2 ans de prison ferme, et on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de pédophiles, de délinquants sexuels, de délinquants financiers, et même de gens commettant des violences sur les biens, sur les personnes, et qui ne sont pas condamnés aussi lourdement. Donc là aussi, ça participe quand même d'une société qui repose sur l'inversion, parce que nous, on n'accepte plus maintenant la polémique, le pamphlet, qui est pourtant une tradition très française, toute tendance confondue d'ailleurs, qui a honoré des pages entières de notre littérature, de notre presse, de nos périodiques. Mais en revanche, la violence, elle est dans les rues, elle est dans les relations sociales, dans les relations humaines, parfois d'ailleurs de manière extrêmement brutale. Mais en revanche, une certaine véhémence qui d'ailleurs permettait au talent de s'exprimer. Parce que il est bien évident que lorsque l'on est un personnage public, un homme public, bah, il est assez logique et normal de recevoir des coups. parfois justifiées, parfois injustifiées, parfois fondées, parfois infondées. Mais en tout cas, ça me paraît tout à fait naturel. Et maintenant, on ne peut plus rien dire. Oui, donc, sur un sujet, sur un nombre de sujets, d'ailleurs, de plus en plus importants. Et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment refuser toute forme de censure de la pensée, tout à bout sur tout sujet qu'on ne pourrait pas aborder librement, parce qu'à partir du moment où on accepte ça, il n'y a plus de raison de s'arrêter. Et d'ailleurs, on le voit, puisque d'année en année, les libertés reculent considérablement dans ce domaine. Pour les humoristes. Pour en revenir à notre sujet de départ, et il est clair que c'était l'intérêt un des intérêts du banquet de Rivarol, puisque justement, toutes sortes d'orateurs a pu y prendre la parole, des gens qui étaient catholiques, des gens qui ne l'étaient pas, des gens qui étaient républicains, des gens qui ne l'étaient pas. C'est ça qui était intéressant, une grande variété, et en même temps, vous l'avez dit, une certaine amitié, ce qui ne... Alors, je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée avec Martin Pelletier, votre serviteur, qui reçoit en deuxième partie ce soir Jérôme Bourbon pour parler de tout et de rien, mais quand même beaucoup du banquet de Rivarol du 9 avril et des problèmes qu'on a connus depuis, c'est-à-dire la manipulation par une certaine presse. Mais je dois poser une question à Jérôme Bourbon qui vient d'arriver. C'est une auditrice qui le félicite. Félicitations pour ce que vous faites. Monsieur Bourbon, pouvez-vous nous dire quelque chose sur le groupe Les Brigandes ? Bien, écoutez, volontiers, nous sortons un dossier de 2 pleines pages cette semaine. Le journal paraît en kiosque demain, ou sinon on peut se le procurer en nous le commandant, ou soit sur internet, sur notre site boutique-rivarol.com, ou alors en nous écrivant 19 avenue d'Italie, Paris 13e, un chèque de 5 euros et on vous envoie le journal de cette semaine. Voilà, donc j'en dis deux mots, puisque ce n'est pas le sujet de ce soir. Il s'avère que depuis un an ou deux, un groupe de jeunes filles plutôt jolies, ayant un certain talent, ont donné un certain nombre de chansons et semblaient défendre les valeurs de la droite nationale et catholique. Bien. Or, il s'avère que... donc moi, à titre personnel, il n'y a eu aucun règlement de compte personnel, comme je l'ai lu ici ou là. Moi, je n'avais rien contre les Brigandes au départ, bien au contraire, puisqu'on avait même, un peu naïvement, passé une brève interview d'elle au début. Et puis, il s'est avéré que ces personnes faisaient des émissions de radio qui s'appellent Radio Brigandes, et j'avais été un petit peu alerté par une émission qu'ils avaient faite sur la franc-maçonnerie, où il était question de la franc-maçonnerie blanche et de la franc-maçonnerie rouge, et on disait qu'il y avait une bonne franc-maçonnerie et une mauvaise franc-maçonnerie. Or, il est évident que, surtout si l'on est catholique, toute franc-maçonnerie, évidemment, est mauvaise, et donc ça me pressait une aberration de dire cela. Et puis, j'avais été intrigué, comme un certain nombre d'autres personnes, par leurs attaques très violentes contre les jésuites, et même contre le fondateur des jésuites, Saint-Ignace de Loyola, dont on sait pourtant que les exercices ont converti des millions de personnes, notamment Saint-François-Xavier en Inde, etc. Et ceux qui ont fait les exercices dans leur vie savent à quel point sa vie personnelle, sa vie intérieure, la progression des vertus en soi, l'extirpation des vices, eh bien, être tout à fait favorable, même pour la conversion d'un certain nombre de gens. Et donc, qu'on puisse reprocher dans l'histoire à un certain nombre de jésuites un certain nombre d'erreurs ou d'errements, bien sûr, mais là c'était vraiment une attaque en tant que telle contre Saint Ignace lui-même, saint canonisé par l'Église, bon, et contre la Compagnie de Jésus en tant que telle. Donc déjà, et avec des choses complètement délirantes, c'est-à-dire le fait que, par exemple, elle serait à l'origine, la chanson, une des chansons des Brigandes le dit, du naufrage du Titanic, de la bombe sur Nagasaki, sans apporter le moindre début de commencement de preuve. Et c'est en faisant un certain nombre de recherches, d'abord sur Internet, que nous avons constaté que ces attaques contre les jésuites émanaient à l'origine d'un certain Joël Labruyère, d'ailleurs il utilisait l'expression de Gèse également, l'histoire des Gèses, donc des jésuites, et avec des choses complètement délirantes, et c'était vraiment un copier-coller des arguments que développait le groupe des Brigandes. Par ailleurs, il s'est avéré qu'une lectrice m'a contacté quelques jours avant Noël en me disant: attention, derrière les Brigandes il y a une secte dont j'ai fait partie pendant des années, dont j'ai sorti, et cette secte c'est l'horreur absolue. Et il est est évident qu'elle m'a donné un certain nombre de témoignages. Je ne pouvais pas me contenter d'un seul témoin, donc j'ai été amené à contacter, bon, c'était pas toujours simple, d'autres anciens adeptes, et en recoupant les informations, en recoupant les témoignages, malheureusement, tout est vrai. Et d'ailleurs, même sur Joël Labruyère lui-même, il suffit d'aller sur Internet, les textes sont publics, hein. Ça n'est pas une invention. On peut s'apercevoir de choses absolument délirantes. Il a créé ainsi la Nation Libre en 2004, le Royaume des Elfes, où il s'agissait de regrouper dans une forte de kolkhoz ou de colocation géante, un groupe où il gérait lui-même l'argent en quelque sorte, et où en quelque manière, eh bien, on s'adonnait, un certain nombre. Vous savez quand on réunit des gens de toute façon en milieu clos pendant une longue durée, de toute façon, il y a toujours forcément déjà des dérives qui arrivent. Bon, mais en plus, il a frayé avec la scientologie, il a écrit un livre, L'État inquisiteur, pour défendre la liberté de mouvements sectaires, de sectes. Et il est certain que toutes ces convictions sont c'est de l'ésotérisme, du gnosticisme, enfin des choses extrêmement négatives, louches. Et il suffit de lire les textes. Bon, et puis à cela il y a les témoignages. Donc moi je veux pas tout dire ici de toute façon, parce que c'est pas le sujet. Les témoignages nous les avons. Il suffit de lire Rivarol, mais c'est quand même assez effrayant. C'est tout à fait ce qu'on imagine dans une secte. Et voilà. Donc si vous voulez, moi ce que je trouve triste dans cette affaire, c'est que ça montre notre capacité à nous faire infiltrer, et je dirais peut-être parfois même notre naïveté, parce que finalement ces personnes sont sorties de nulle part. On ne sait pas, finalement, tous les sites et les groupements de la mouvance les ont invités à leur manifestation quasiment, voilà. On en dit le plus grand bien, sans aucune réserve, et on ne s'est pas interrogé. C'était quand même bizarre, ces jeunes femmes, d'où elles venaient, d'où elles sortaient, quels étaient leurs inspirateurs, leur passé, leur profil, leurs convictions, leurs intentions, bon, voilà. Et donc, ça, autrefois, même lorsque l'on prenez une femme de ménage, on lui disait, madame, quelles sont vos références? Bon, ben aujourd'hui, finalement, on fait confiance à n'importe qui, on couche avec n'importe qui, on fait n'importe quoi, et donc il ne faut pas s'étonner des conséquences. Alors, je dois dire que, bon, j'ai dit, dans cette affaire, eh bien, je crois qu'il faut véritablement être beaucoup plus prudent et vigilant. Alors, je sais bien que c'est bien d'avoir l'enthousiasme de ces 20 ans, mais l'expérience nous apprend, malheureusement, que le monde n'est pas peuplé que de gens sains et honnêtes, et que par conséquent, il convient d'être prudent. Alors voilà, je déplore cela, voilà. Non, mais encore une fois, voilà. Mais bon, en tous les cas, d'ailleurs, elles étaient prévues à la manifestation du 8 mai, là, qu'organise entre autres l'Institut Civitas d'Alain Escada, et ils ont évidemment renoncé à cela quand ils ont eu connaissance d'un certain nombre d'informations assez effrayantes. Il y avait une volonté d'infiltrer la droite nationale et catholique, et puis aussi d'amener des recrues nouvelles dans leur mouvement sectaire. Voilà. Je n'ai que quelques éléments. On va revenir à nos moutons. Oui. Il y avait dans le banquet de Rivarol du 9 avril une volonté claire de commémoration et de transmission. Alors, on a parlé tout à l'heure de Pierre Sidos, mais j'aimerais qu'on revienne sur les grands anciens de Rivarol, les grands anciens journalistes de Rivarol. Le fondateur, d'abord, c'est le premier, c'est Michel Dacier. C'est René Malliavin. Moi, j'aimerais bien qu'on en parle un peu, si vous avez... Oui, volontiers. Alors, d'abord, il faut savoir que Rivarol n'est pas premier, si j'ose dire. C'est notre mensuel moins connu, malheureusement, mais qui existe depuis plus longtemps, qui a été la première première pierre et la première manifestation, je dirais, de la droite nationale après la libération, qui s'appelle Écrit de Paris, qui dont le premier numéro s'appelait Questions actuelles, enfin Perspectives puis Questions actuelles. D'ailleurs, il a toujours comme sous-titre Revue des questions actuelles. Et a gardé sa couleur verte, couleur de l'espérance. Et en l'occurrence, donc Écrit de Paris, sa première manifestation, question actuelle, c'est octobre 1944. Donc vous voyez, c'est vraiment la libération de Paris vient d'avoir lieu, et l'épuration se met en place, l'épuration gaulo-communiste. Et on commence par des petites brochures, en quelque sorte. Ça vaudra d'ailleurs plusieurs mois d'entraînement administratif à René Maliévin, cette audace. Mais c'est un homme courageux qui ne plie pas, qui n'a pas été très engagé d'ailleurs pendant la guerre. Il était juriste de l'agence Interfrance, mais il n'a pas été, ça n'a pas été un ultra de la collaboration. Pas du tout. En plus, c'est un modéré de tempérament. On l'oublie souvent qu'il avait été chef de cabinet de Paul Deschanel. Voilà. Oui, qui est d'ailleurs contrairement à ce qu'on l'image qu'on en donne à travers sa folie terminale, était un type d'une remarquable puissance intellectuelle et qui avait beaucoup bien mieux compris la politique étrangère que beaucoup de classiques de la Troisième République. Je crois d'ailleurs qu'il y en a quelque chose. On en retrouve quelque chose dans Maliévin qui je ne connais pas sa formation, mais qui est un historien de première, qui était un historien de première force. Quand on lit, je me souviens d'un article sur la candidature Hohenzollern, ce qui était fantastique sur la guerre de 70. Mais d'ailleurs, c'est le dernier article qu'il a fait, je crois, avant de mourir. Il dit travailler dessus lorsqu'il est mort. Ce n'était absolument pas du tout un extrémiste. C'était en revanche un esprit extrêmement éclairé et puissant. Il faut dire que sous la Troisième République, le personnel politique était quand même d'une qualité intellectuelle qui n'a rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est là qu'on voit à quel point nous avons chuté de manière vertigineuse. D'ailleurs, ça n'est pas vrai seulement, il faut le dire, sur le plan politique. C'est vrai dans tous les domaines. Hein. Oui. C'est vrai au niveau des dignités religieuses. C'est vrai dans tous les domaines. C'est quelque chose qui de ce point de vue-là est assez effrayant. Alors, donc, je disais oui, Écrit de Paris a commencé donc. Sous le nom de Questions actuelles en 1944. Il ne prendra le nom d'Écrit de Paris qu'en janvier 1947. Et il continue à paraître, d'ailleurs, tous les mois, de manière plus modeste que Rivarol. Alors évidemment, nous n'avons pas la chance aujourd'hui d'avoir des plumes et des personnalités prestigieuses comme celles autrefois, lorsqu'il y avait des académiciens qui abortaient leur concours. Mais nous essayons quand même de continuer sur une ligne d'opposition claire au régime que nous subissons et qui nous a servi. Alors, c'est vrai que on a traversé quand même deux républiques, neuf présidents, de Vincent Auriol jusqu'à François Hollande, et que quand on pense par exemple que lorsque Rivarol naît, le 18 janvier 1951, le maréchal Staline dirige l'URSS, Pie XII dirige l'Église et le maréchal Pétain est encore à l'Île-Dieu. Il est encore vivant. À un point tel d'ailleurs que quelques mois plus tard, son avocat et courageux, Jacques Isorni, se fait élire à la proportionnelle, car sous le quatrième, les législatives étaient à la proportionnelle intégrale, et donc il se fait élire député à Paris, et il va voir le maréchal à l'Île-Dieu, lui apporte son écharpe de député, et en lui disant, mais maréchal, c'est votre victoire, j'ai été élu rien que sous votre nom, le nom du maréchal, et le maréchal meurt quelques semaines après. C'est une forme un peu de victoire, de bonheur, en quelque sorte, que la Providence lui a permise avant de prononcer son nunc dimittis. Bon, eh bien, voilà. Et quand on peut penser, par exemple, qu'en 1951, les prêtres portaient la soutane, les militaires l'uniforme, et que la France jouissait encore d'un vaste et immense empire colonial sur les cinq continents, au point qu'on disait... vraiment à l'époque que le soleil ne se couchait jamais sur cet empire et que comme les sur celui de Charles Quint. Alors parmi les grands ancêtres, rivales, je pense également à Blondin. Alors, Antoine Blondin, De François Brignaud, grand ami de François Brignaud. Alors, l'équipe de naissance de Rivarol, donc outre René Maliévin dont on a parlé, c'est effectivement ces trois hommes essentiellement, c'est Blondin, Brignaud et Maurice Gaït, qui ont créé d'ailleurs un bimensuel avant Rivarol en 1950 où il n'y a eu que quatre numéros qui s'appelait La Fronde, qui était d'ailleurs extrêmement offensif et puis finalement, bon, ça n'a pas pu continuer et donc ils ont créé Rivarol, mais je dois dire que ces grands polémistes, ces grands pamphlétaires, il me paraît quand même très important de leur rester fidèles. Parce que parfois, il y a des gens qui trouvent peut-être qu'on a une liberté de ton, qui est jugée parfois un petit peu excessive, ou qu'on dit les choses de manière sans toujours prendre de gants. Mais il me paraît nécessaire de dire les choses, parce que sinon, on finit par avaliser un certain nombre de mensonges. Et donc, de ce point de vue-là, ils ont été un exemple. exemple, parce que quand on lit les premiers numéros de Rivarol, c'est quand même assez saignant, hein, notamment contre l'épuration. Il ne faut quand même pas oublier que lorsque Rivarol est créé, en janvier 51, il n'y a pas encore l'amnistie. Hein. Les lois d'amnistie, ça va être 1951, mais surtout 1953. Enfin, en janvier 51, pensez par exemple que tant Rebattet que Cousteau sont encore en prison. Hein. Rebattet n'en sortira qu'en 52 et Cousteau qu'en 53. Et c'est... Et ils donneront de très grands articles à Rivarol l'un et l'autre. Oui, tout à fait. Notamment, je pense, notamment, je cite souvent cela parce que moi j'avoue que quand je relis, j'en suis encore sidéré. Pierre-Antoine Cousteau, dès 1958, il n'y a pas une ligne à changer dans ce qui est son testament politique. Le 2 octobre 1958, dans Rivarol, peu avant d'être emporté par un cancer foudroyant, d'entrer à l'hôpital, eh bien, pour ne plus en sortir, eh bien, il écrit un article magnifique qu'on ressort en temps d'ailleurs. Être ou ne plus être, où il annonce l'invasion, la submersion migratoire de l'Europe en général et de la France en particulier. Et je dirais, avec un certain pessimisme, que malheureusement l'avenir a jugé et a montré qu'il était fondé, eh bien, il se montre assez sceptique sur les capacités des Français, de ses élites, mais même d'une certaine manière de son peuple, d'avoir en lui-même les ressources nécessaires, la force nécessaire pour résister victorieusement à cette submersion. Et en 58, il fallait quand même être doué comme pour prévoir cela et le prévoir avec autant d'acuité, comme il avait prévu un an avant son arrivée le retour de De Gaulle. Et non seulement il avait prévu le retour de De Gaulle, mais il avait annoncé, il annonçait ce qu'il ferait, c'est-à-dire larguer l'Algérie. Hein. Et d'une manière vraiment implacable, les choses se sont passées exactement comme il l'avait annoncé. Et je crois que c'est ça, parce que le journalisme, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ça n'est pas l'information. L'information qui d'ailleurs est souvent de la désinformation, mais ça n'est pas l'information, c'est le commentaire de l'information, c'est la mise en perspective de l'information, c'est son analyse, c'est d'essayer de débusquer ce qu'il y a derrière les apparences, d'aller voir au-delà, d'essayer de montrer comment une situation qui est complexe, quels en sont les ressorts, qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est apparent, bon, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est subsidiaire. Et l'honneur, me semble-t-il, du journalisme, c'est précisément d'analyser une situation et d'analyser en disant la vérité, parce que si c'est pour avaliser le mensonge, ça n'a pas de sens. Alors donc, effectivement, oui, Cousteau, c'est absolument remarquable. Et donc, le premier combat historique de Rivarol, c'est ça, c'est le combat pour l'amnistie, contre l'épuration gaullo-communiste, et plus généralement, je dirais, pour le rassemblement, la réconciliation des Français, dont le président Pompidou, dans une phrase qui est tout à son honneur, avait dit, évoquait ces Français qui ne s'aimaient pas, autant où ils ne s'aimaient pas. Autant ils ne s'aimaient pas. Voilà. Et alors, est-ce que vous savez, Jérôme, cette phrase oui, est bizarrement ce qui prouve les lectures de Pompidou. Cette phrase est citée presque à mot près le titre d'un livre de Charles Maurras, Entre les deux guerres, qui s'appelle exactement le temps où les Français ne s'aimaient pas. C'est quand même intéressant de voir que Georges Pompidou avait réutilisé, et comme c'était quand même un type extrêmement cultivé, c'était bien, c'était pas une rencontre. Vous savez qu'il lisait Rivarol toutes les semaines parce que il avait été condisciple de Maurice Gaïd, puisque les deux étaient normaliens, et il lisait avec toujours beaucoup d'intérêt, d'attention et d'impatience les éditoriaux de Maurice Gaïd dans Rivarol, ce qui inimaginable aujourd'hui, hein, que François Hollande puisse lire évidemment quoi que ce soit de Rivarol. Bon, mais c'est dire que effectivement c'était quelqu'un de lettré, et je dois dire, je regardais récemment encore sous forme de vidéo sur internet des archives de l'INA, je crois, de cette conférence de presse de Pompidou, et je dois dire, on a beaucoup de choses à reprocher à Pompidou, hein, je oui, ne défends pas du tout. Faut, hein, pas non plus le prendre pour un saint. Pas du tout, il a été catastrophique sur le plan de l'immigration, de l'urbanisme, même de la finance, de beaucoup de choses. Hein. C'est pas du tout pour le défendre, mais je dois dire quand même qu'à cette époque-là, sa conférence de presse, c'est dans un français absolument impeccable. Hein. Il y avait une langue, il y avait une stature, si vous voulez, il fait quand même président. Quand on voit ce qu'on a aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'hallucinant. Mais je dirais même Mitterrand, et Dieu sait qu'il y a beaucoup à dire sur Mitterrand. Moi, je dirais que une des choses que je reprocherais le plus, c'est quand même un moment où quand même le sort de la France se jouait à peu de choses sur un référendum à Maastricht. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas s'il faut dire Maastricht ou Maastricht, puisque c'est entre la triche et la trique. Enfin, Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que il a mis au dernier moment, alors que les sondages donnaient le nom gagnant, sa prostate et son cancer de la prostate dans la balance, pensant ainsi émouvoir, ce qui était le cas, un certain nombre de cancéreux et de prostatiques, bon, et leur famille. Et finalement, il a fait basculer quand même le référendum, alors que c'était quand même l'abandon du franc entre compagnons de route de plus de 6 siècles de Jean de Lebon, alors que nous étions le seul pays au monde dont la monnaie portait le nom et dont le nom était une vertu, franc qui veut dire libre, et que par ailleurs, il est évident que ça a été quand même le début, ou en tout cas l'aggravation d'une construction européenne qui défait la France. Hein, bon, ses frontières avec Schengen, etc. Bon, tout bon, à fait. Alors, donc, de ce point de vue-là, il y a beaucoup de choses à lui reprocher, et puis même le fait d'avoir utilisé SOS Racisme pour, détruire la défense immunitaire des Français, essentiellement pour des raisons politiciennes, pour diviser les droites entre le Front National et le, ce qu'on appelait à l'époque le RPR et l'UDF. Bon, eh bien, il est évident qu'il y a beaucoup à lui reprocher. Bon, mais, malgré tout, je revoyais encore des vidéos de Mitterrand, il faisait quand même président. Et je me rappelle notamment contre El Kabbach, en 94, il se défend quand même avec, je dois dire, une certaine dignité, voire un certain courage, sur ce qu'il lui reprochait par rapport... Alors, c'est vrai, Jérôme, mais là, nous divergeons, parce qu'on n'est pas là pour faire l'apologie de Mitterrand, mais plutôt de parler de Rivarol, et en particulier la baisse intellectuelle des dirigeants français. En particulier, j'aimerais qu'on dise un mot aussi de Rebatté, Lucien Rebatté, on en a parlé de Cousteau, mais maintenant oui, de Rebatté. Oui, tout à fait. Alors, qui a été très engagé, lui, alors, pour le coup, à la différence de René Maliavin sous l'occupation, après la guerre, d'ailleurs, il faut le dire, a mis un petit peu d'eau dans son vin, quand même, par rapport à cela, mais qui a été une grande plume de Rivarol, qui a écrit notamment aussi une histoire de la musique qui est absolument, que tout le monde reconnaît comme tout à fait remarquable, et qui avait un talent considérable. Bon, on lui voit pendant la guerre, évidemment, le livre Les Décombres. Alors, on peut ne pas être d'accord, évidemment, avec tout ce qui est dit, mais enfin, on ne peut pas nier le talent admirable d'écrivain, de pamphlétaire, de polémiste, de Rebatté. Et aujourd'hui, des polémistes, des pamphlétaires de cette qualité, on a beau chercher, c'est pas évident à en trouver, parce que précisément, bon d'abord, la liberté est beaucoup moins grande, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi peut-être l'effondrement de l'école, de l'éducation nationale, fait que les talents se raréfient, certainement. Il y a deux autres grands talents dont il faut parler, c'est tout à fait différents l'un de l'autre, d'ailleurs, c'est Maurice Bardèche et Robert Poulet. Alors Bardèche, c'est le beau-frère de Brasillac. Oui, Bardèche n'a pas spécialement écrit dans Rivarol, ou de manière ponctuelle, disons. Oui, il a donné quand même des articles, puisqu'il a surtout fondé sa revue remarquable, oui. Défense de l'Occident. Moi, je dois dire que j'ai beaucoup d'admiration, bien que je ne l'ai pas connu personnellement. Il est vrai que plusieurs générations nous séparaient, mais j'ai beaucoup d'admiration pour Maurice Bardèche, parce que je dois dire que ses ouvrages sont absolument lumineux. Dans sa lettre à François Mauriac en 1947, lorsqu'il dit par exemple que cette épuration, ce sera une épuration permanente, et que ça n'est pas simplement qu'un moment désagréable, détestable à la suite d'une guerre civile entre Français, mais que cette guerre, elle continue, elle va continuer. On le voit encore aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce que disait... C'était le thème de Jean-Marie Le Pen le 9 avril. C'est ce que disait Jean-Marie Le Pen dans notre banquet, que la guerre contre Vichy n'avait jamais cessé, et que à travers la guerre contre Vichy, ce sont la devise du régime, travail, famille, patrie, les valeurs qu'il défendait, les principes qu'il mettait en avant, qui sont diabolisés et qui sont aujourd'hui interdits, puisque qui aujourd'hui veut défendre la famille française, les valeurs traditionnelles, la natalité française, se voit accusé ou suspecté de pétainisme, Pétain qui, nous dit-on, a été jugé complice d'un génocide. Aujourd'hui, c'est presque ça. Entend-on inverser le courant de l'immigration? On nous dit, mais vous voulez déporter les immigrés comme naguère ont déporté les juifs? Voulez-vous rétablir la peine de mort? Essayer de lutter contre l'aggravation de la violence, de la délinquance et du crime? Eh bien, on vous dit, oulala, vous voulez faire ce que faisaient les régimes totalitaires dans les années 30, etc. Et donc, on n'en sort pas, et on est donc tétanisé, et nos défenses immunitaires sont ainsi mises à mal. Et on tue dans l'œuf, ainsi, toute perspective de renaissance nationale. Et c'est ce que disait très justement dans Nuremberg ou la Terre promise en 1948 Maurice Bradèche, dont il dit que le jugement de Nuremberg va très au-delà de la condamnation du national-socialisme, mais qu'il rend suspect toute forme de nationalisme et même au-delà toute forme d'attachement au sol, à la tradition, au métier, et qui il a des pages en plus remarquablement écrites, hein, admirablement composées, et je veux dire que plus on avance dans le temps, plus c'est vrai, quoi. Et c'est quand même effrayant de penser, parce qu'on peut quand même le dire, que on n'a pas le droit de contester quoi que ce soit des décisions d'un tribunal militaire international dont le quart des membres des juges avait été choisi par Staline, quand même. Dont l'un était surtout le procureur général des procès de Moscou. Exactement, voilà. Et dont le procureur Jackson, le procureur américain, avait dit que le procès de Nuremberg continuait l'effort de guerre des alliés. Oui, parce qu'il ne valait pas plus cher, intellectuellement et moralement, bien entendu. Voilà. Donc, c'est quelque chose comme d'effrayant, plus de 70 ans après les faits. Et je dirais même que les choses s'aggravent de plus en plus, parce que, par exemple, moi qui ai aujourd'hui une quarantaine d'années, je me rappelle lorsque j'étais collégien et lycéen, on n'avait pas quand même cet endoctrinement tel que l'ont aujourd'hui les nouvelles générations. Moi, j'ai échappé, je n'ai jamais vu en classe ni Holocauste, ni Shoah. On ne m'a pas amené ni au Struthof, ni au Auschwitz. Aujourd'hui, on ne peut pas échapper à ça. Justement, moi qui suis un peu plus vieux que vous, j'ai vu les choses se mettre en place. La loi Guesso n'a d'autre but que justement de faire assimiler toute liberté d'expression et toute défense de la nation et de l'ethnie à quelque chose d'odieux, au crime contre l'humanité. C'est ça le principe de la loi Guesso. C'est ça, c'était déjà le principe de la loi Pleven. C'était le droit de la Pleven, mais c'était plus finement tamé. Et Marchandot, c'était ça aussi. La loi Pleven était plus finement moulue. Au départ, les gens ne l'ont pas vue. Oui, elle a commencé à vraiment être appliquée dans les années 80, voilà. avant même la loi. La loi Pleven avait apporté ça en puissance, la loi Guesso le portait sur le visage. Voilà la différence. Alors, toujours pour revenir à Rivarol, est toujours tourné autour du même problème. Quelques mots de Robert Poulet, qui pour moi, alors moi j'ai commencé beaucoup à lire Rivarol pour Robert Poulet, parce que c'était, à mon sens, le plus grand critique littéraire du XXe siècle. Absolument. C'est clair. Qui d'ailleurs a vécu très longtemps, puisqu'il a vécu au-delà de 90 ans. J'ai correspondu avec lui un peu sur la fin de sa vie. Et qui d'ailleurs, dont je crois l'un des derniers ou le dernier article, en tout cas l'un des derniers articles dans Rivarol, est un article remarquable sur l'agression très violente qu'avait subi le professeur Forisson en octobre 89, si ma mémoire est bonne, à Vichy, où il avait été laissé quasiment mort. Encore à Vichy. Mais dire on n'en sort pas. On habitait Vichy, c'est une provocation manifeste. Dix agressions physiques. D'ailleurs, je dois dire que on parle toujours de la violence, de la haine et tout ça. Mais Forisson qui a subi 10 agressions physiques dans sa vie, hein, dont 4 à Paris. Hein. Bon, 10. Oui. 10 et. Et ça, ce n'est quand même pas rien. Donc, Robert Poulet avait la particularité d'être belge et liégeois, un grand bourgeois d'ailleurs. Et il avait écrit un petit. Sans doute l'avait voulu, oui, son livre d'autobiographie, ce n'est pas une vie, il raconte justement, mais avec sa façon un peu goguenarde et lointaine, il a quand même failli y passer, comme beaucoup de gens à l'époque, à la libération, entre guillemets, parce qu'il avait eu le malheur d'être fidèle au roi Léopold, parce qu'en France, on ne connaît pas très bien l'histoire belge, donc il faut le rappeler. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'épuration a été encore plus féroce, si ça se peut, en Belgique qu'en France. Ce qui n'est pas peu dire. Ce qui n'est pas peu dire. Et la raison, à mon avis, on a beau dire qu'il y a de bons et de mauvais francs-maçons, moi je crois surtout qu'il y en a de mauvais, et que c'est la franc-maçonnerie qui était aux commandes. Alors, il est 20h13, je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie avec le libre journal de la liberté surveillée, votre serviteur Martin Pelletier qui reçoit ce soir Jérôme Bourbon. On va peut-être lire quelques questions. Là, j'arrive pas à lire parce que je ne comprends pas que je lis parfaitement, mais je ne comprends pas la structure de la phrase, donc je ne peux pas lire. Alors, Monsieur Bourbon, une jeune fille, c'est un auditeur qui vous pose cette question. Une jeune fille de 16 ans a été agressée parce qu'elle portait une jupe. Elle a été sortie par 3 personnes étrangères qui l'ont rouée de coups. Elle est dans le coma. Elle a eu 4 jours seulement d'ITT. Quelle est l'identité et l'origine de ces 3 agresseurs ? pourquoi ce drame n'a pas eu d'écho dans la presse? Une remarque à cette question. Oui, j'en ai entendu parler, mais je ne connais pas les circonstances exactes de l'agression et surtout l'origine et les motivations des agresseurs. Mais je crois savoir, si c'est bien de cette agression qu'il s'agit, que les agresseurs étaient des jeunes femmes, étaient des jeunes filles. Ce qui est encore plus surprenant, si j'ose dire, dans l'affaire. Mais il est évident que de toute façon, on vit dans une société où il y a un retour à la barbarie des mœurs et des comportements qui est de plus en plus préoccupant, à un point tel d'ailleurs que, j'en ai témoignage direct, même à l'école primaire, il y a du harcèlement moral. Et je connais des mères de famille, des pères de famille qui sont très inquiets parce que leurs enfants même ne veulent plus aller à l'école ou en tout cas sont en détresse psychique très avancée parce que leurs camarades les torturent mentalement, si j'ose dire. Bon, et c'est quelque chose qui maintenant est extrêmement répandu, et c'est pas simplement le fait de l'immigration, même si l'immigration évidemment aggrave cela, mais il y a quand même véritablement un retour à une forme de barbarie des mœurs et des comportements que sans doute le développement des familles décomposées, recomposées, le fait de passer des heures sur Internet ou regarder de mauvaises vidéos ou à se droguer de jeux vidéo, que sais-je, toute chose qui désocialise en quelque sorte et qui certainement contribue à cet ensauvagement de la société, puis bien sûr, plus fondamentalement, à la perte de la foi, ça c'est certain, parce que c'est évident qu'à partir du moment où vous n'avez plus ce cadre, quand il n'y a plus de religion, très vite il n'y a plus de morale, c'est évident. D'ailleurs, on voit très bien que depuis l'effondrement du catholicisme, en gros, à partir de 1960, eh bien, tout s'est effondré, puisque, somme toute, lorsqu'il y avait ce qu'on appelait autrefois l'école du bon Dieu, l'école du diable, ben l'école du diable, quand même, était obligée, sur le plan moral, de tenir à peu près, parce que sinon, même les gens non pratiquants, non croyants, auraient mis leurs enfants, pour les préserver moralement, à l'école du bon Dieu. Bon. Mais lorsque l'école du bon Dieu, qui n'était plus l'école du bon Dieu, s'est effondrée, eh bien, l'école du diable, elle, s'est effondrée moralement également. Bon. Et donc, il est clair que l'apostasie générale que nous connaissons favorise, évidemment, toutes les folies. Hein, parce que quand vous n'avez plus le cadre, il est évident qu'il n'y a plus de limite. Quand les bornes se font franchies, il n'y a plus de limite. Voilà. Alors, pour revenir au 9 avril et donc au très beau discours qu'a prononcé Jean-Marie Le Pen. Sans note, debout, à 88 ans, ce qui est quand même assez remarquable. Et, donc, et à propos de ce discours, qu'est-ce que vous pensez du lancement des comités de Jeanne Hoscaut? Parce que là, il revient, je crois qu'il est en poste. Je ne sais pas si ça ira au bout, mais de lancer un mouvement politique probablement pour essayer d'aiguillonner le Front National pour justement, vous parliez tout à l'heure de l'émulation entre l'école du diable et l'école du bon Dieu, pour créer une émulation de façon attirer le Front National vers la droite, je suppose. Je ne sais pas. Comment analysez-vous ça, vous ? Écoutez, je me perds en conjecture un peu sur ses intentions véritables, j'avoue, je ne sais pas s'il souhaite qu'il souhaite la réconciliation avec sa fille, tant d'un point de vue affectif que politique, cela ne me paraît pas douteux. Ce qui me paraît plus étonnant, c'est qu'on a l'impression qu'il y croit. Ou en tout cas qu'il veut y croire, alors qu'il me semble que sur le plan politique, en tout cas, sur le plan politique, je ne vois pas Marine Le Pen accepter de reprendre son père au sein de son mouvement et de lui accorder le droit de participer aux instances du mouvement, d'y faire des discours, puisque manifestement, chaque jour qui passe prouve que la rupture avec ce qu'on pourrait appeler l'ancien Front National est quand même très forte. Et alors justement, alors là, si on essaie de prendre du recul simplement et de voir ça au niveau mondial, on constate, je constate comme vous, que le Front National s'éloigne du Front National, que Rome n'est plus dans Rome et que bon. Si on regarde ce qui se passe en Allemagne, l'AfD qui a constitué un espoir pour les Allemands à un moment donné, ils ont voté massivement pour lui, pour elle aux dernières régionales. Eh bien, je ne sais pas si vous avez vu que deux de ses vice-présidents, un co-président et un de ses vice-présidents ont donné une interview à la Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui est le journal officiel de l'établissement financier libéral allemand, si on voit ce que je veux dire, pour prendre leur distance avec Frau Köpetri, qui est la ligne populiste dure. Et pour dire que c'est pas ça, qu'on ils sont pas prêts pour le prendre. Bon, et si on regarde ce qui se passe avec Trump, moi je suis un peu de l'avis de Jeanne Smith, et il y a eu un très bon article dans Breitbart d'un républicain qui montre que certainement un type comme Trump sort un peu du système, que c'est pour ça qu'il a du succès, mais que si on regarde l'ensemble de ses prises de position, c'est quand même un peu comme Marine Le Pen, c'est pas du blanc-bleu comme on disait dans les tontons flingueurs. Donc est-ce que elle ne pourrait pas penser que le contre-jeu du système à la poussée populiste, que ce soit en Allemagne, en France, aux États-Unis ou partout ailleurs, ne revient pas à pervertir les gens, et justement les partis populistes, les partis nationaux, et à les ramener de l'intérieur vers le système, en affadissant, en truquant, en gauchissant leur... Effectivement, c'est ce qui se passe, et d'ailleurs c'est ce que nous critiquons depuis un certain nombre d'années, d'ailleurs parfois avec vivacité dans Rivarol, mais pas par plaisir de critiquer, mais tout simplement parce qu'il y a effectivement un certain nombre de renoncements, d'évolutions très négatives, et pas simplement en France, il est vrai, puisque ça touche beaucoup de pays européens, comme si au fond on avait des oppositions officielles, ou comme si des mouvements qui s'affirment, ou qui se veulent, ou qui se présentent comme d'opposition au système, de plus en plus épousent sur tous les sujets. Alors je pense notamment tout ce qui concerne la famille, le combat pour la vie, mais même s'affadissent sur la question de l'immigration, de l'identité nationale, de la souveraineté, ou même sur toutes les questions sociétales très importantes. Et, c'est clair aux Pays-Bas notamment. C'est très clair aux Pays-Bas. Et donc, et puis souvent d'ailleurs, se croient obligés de prendre des positions sioniste, américano-sioniste, bon, oui. plus ou moins prononcée. Et donc, effectivement, c'est une des difficultés à laquelle nous nous heurtons, que, en quelque manière, toutes les forces qui se veulent de résistance au mondialisme, au nouvel ordre mondial, eh bien, ont tendance à s'affadir, voire même, pour certaines d'entre elles, carrément à trahir. Mais ce qui est vrai sur le plan politique, l'est à mon sens également, et c'est peut-être encore plus grave, sur le plan religieux, où on voit toute une série de mouvements, je n'en dirai pas plus, pris par une forme de prurite, de ralliement au modernisme, et je crois que c'est extrêmement préoccupant. Voilà. Alors, quelques remarques, ce ne sont pas des questions, ce sont des remarques, vous avez des félicitations de deux auditeurs, voilà. Pour en finir avec les grands de Rivarol, moi il me semble que ce qu'il y avait de bien également, ce qu'il y a toujours de bien d'ailleurs, mais ce qu'il y avait de bien, c'est que derrière les têtes d'affiche dont on a parlé, il y avait quand même plein de rubricards qui sont... Et moi, je me souviens d'Edith Delamarre, par exemple, quand j'étais petit. Oui, qui s'occupait de la chronique religieuse. Oui. Jean Plébert, il y avait aussi Pierre Dominique, il y avait des gens... Qui était directeur de Rivarol. Qui ensuite était directeur, mais qui tenait avant... Et puis, tout à fait récemment, il y a Camille Gallic, qui est notre prédécesseur. Et qui, elle, vit toujours et a toujours une activité éditoriale. Et qui a elle travaille toujours à présent. Entre autres, Polémia aussi. Elle est ici, pas toutes les fois, parce que ça dépend de son emploi du temps. Mais c'est vrai qu'il a tenu, avant que vous n'arriviez, l'hebdomadaire. Oui, pendant plus de 25 ans. Sur les épaules. Absolument. Et vous savez ce que c'est, que c'est quelque chose d'assez lourd, la rivalisation. Oui, d'autant que, comme nous sommes politiquement incorrects, eh bien, nous avons beaucoup de procès, il y a beaucoup de procédures contre nous, et évidemment, nous avons des moyens limités, mais bon, en général, jusqu'à présent, Dieu merci, nous y avons toujours fait face. Et le moi, lecteur je... généreux, heureusement. Oui, puis d'une part, c'est vrai, ça c'est admirable. Et d'autre part, bon, bah, on vit dans une grande pauvreté de moyens, mais on fait des économies partout où on peut en faire. Mais je veux dire qu'on n'a jamais touché un sou de l'État, de subvention. Et quelque part, j'en suis très heureux parce que ça nous rend libres. Parce que si on touche une subvention, il est évident que, bon, on se dit bah, peut-être pas que j'aille trop loin parce que je risque de plus la toucher, la subvention, par exemple. Hein. Même psychologiquement, c'est quelque chose qui s'explique très bien. Et donc, moi, je dois dire que. De toute façon, c'est toujours un peu délicat d'être financé par un régime qu'on combat, quoi. Je veux dire, c'est toujours un peu problématique. D'ailleurs, c'est un peu le problème aussi du financement public du Front National, qui je crois a joué quand même dans le fait que ce qui était un parti quand même essentiellement militant, eh bien, ça amène forcément un parti un peu fonctionnarisé, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive, et évidemment, eh bien, le dévouement, la spontanéité militante, il passe un peu à la trappe, c'est certain. Bon, donc, finalement, vivre dans une relative pauvreté, ça n'est pas forcément toujours un inconvénient, d'abord parce que ça permet de conserver le sens du réel, et d'autre part, moi je crois vraiment que ce qui est très important, c'est en toute chose vraiment de dire la vérité. Parce que si on commence à ne pas la dire pour telle ou telle raison, parce qu'il ne faut pas déplaire à tel groupement, à tel lecteur, etc. Vous savez, Henri Coston disait toujours, et ça, c'est vraiment une phrase qui m'a marqué, on crée un journal, on fonde un journal pour défendre des idées, et on trahit les idées pour défendre le journal. Et je crois que c'est vraiment une difficulté à laquelle on se heurte, parce que c'est vrai pour toute œuvre, finalement. Hein, pour toute structure, c'est un danger qui est réel. Et donc, je crois qu'il y a un moment donné, lorsqu'il faut prendre une décision difficile, qui peut forcément diviser. Après tout, le Christ a dit lui-même qu'il n'était pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, bien sûr, il lui donne la paix, mais la paix intérieure, la paix de la conscience. Mais pas la paix au sens, je veux dire, de ne jamais prendre aucun risque, de ne jamais faire des choix. Toute la vie, on est confronté à des choix. Bon. Et donc, il est clair qu'à un moment donné, il faut dire un certain nombre de choses. Alors, bon, évidemment, on s'aligne à un certain nombre de gens, mais sinon, ça n'a pas de sens. Quoi. D'ailleurs, je crois que c'est Peggy qui disait qu'un journal qui ne mécontente pas chaque fois 20% de ses lecteurs, enfin, ça ne doit pas être toujours les mêmes 20%, eh bien, ne mérite pas d'être lu. Et je crois que c'est vrai. Je crois qu'à un moment donné, il faut quand même prendre des risques, surtout quand on considère que c'est vrai. Et je citais à la fin de mon discours, de mon allocution au banquet de Rivarol, ce magnifique épisode du chapitre 24 de Saint-Luc, qui est une de mes pages d'évangile préférées, où l'on voit les deux disciples d'Emmaüs, dont l'un s'appelle Cléophas, eh bien, ils n'ont pas reconnu le Christ qui marche avec eux. Et lorsqu'ils reconnaissent enfin, une fois arrivés à destination, à la fraction du pain, le Christ s'éclipse, disparaît. À leur regard, et ils se disent entre eux, notre cœur n'était-il pas tout brûlant lorsque il nous parlait sur le chemin et qu'il nous expliquait les Écritures. Et je crois qu'effectivement, ce qui est très important, c'est d'avoir un cœur qui brûle, une âme qui brûle, et de conserver en soi une flamme, quoi, qui doit être, bien sûr, la flamme de l'espérance, mais aussi, je crois, la flamme de la vérité. Et je crois que lorsqu'on essaye d'être le serviteur de la vérité, je crois que ça donne une force considérable, parce qu'on se dit, même si on se fait des ennemis, même s'il y aura des difficultés, au moins, si on défend une vérité, ça aura été utile. En tout cas, on aura fait son devoir. Voilà. Alors, il est 20h27, vous écoutez Radio Sourcoisie, le libre journal de la liberté surveillée avec moi-même, votre serviteur Martin Pelletier, et ce soir Jérôme Bourbon qui vient nous parler de Rivarol, dont il est le directeur. Vous avez rappelé tout à l'heure les combats principaux de Rivarol. Au début, c'était la réconciliation des Français après la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, pendant les guerres de colonisation, le maintien des possessions françaises. Et puis aussi la lutte contre le communisme. Garder les possessions françaises. Ensuite, la lutte contre le communisme. Aujourd'hui, quel est le combat principal de Rivarol? Pourquoi vous battez? Alors d'abord, je vais répondre à la question, mais je reviens quand même d'un mot sur le combat pour les possessions françaises, qui est un certain nombre de gens, très sincèrement, très honnêtement, qui nous disent, mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Vous étiez pour le maintien de l'Empire, le maintien de la présence française en Indochine, en Algérie, et finalement aujourd'hui vous êtes contre l'immigration, et donc est-ce que c'est pas contradictoire? Et je ne crois pas du tout, parce que je pense que ça n'est pas la colonisation, mais c'est la décolonisation qui amène cette immigration massive, et qu'il est bien évident que si nous avions... Décolonisation qui est un crime. Absolument. Et d'abord parce que de toute façon c'est une loi de la vie est un combat, et que en quelque manière, si ce n'est pas nous qui colonisons les autres, c'est nous qui sommes colonisés. C'est d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui. La vie est un combat, même le couple est un combat. Et par conséquent, il est bien évident que si soi-même on n'a pas une certaine capacité d'expansion, eh bien il est évident qu'on est condamné à la disparition, au déclin, à la disparition et à la mort, à plus ou moins brève échéance. Et donc, il est tout à fait naturel. En plus, bon, il y avait quand même une volonté d'évangéliser des peuples. Donc, il y a aussi ce côté tout à fait admirable de l'évangélisation. Mais je ne vois pas en quoi, surtout si la colonisation améliore le sort des peuples colonisés, en quoi elle est forcément criminelle. Je crois que c'est Maurras qui disait « Bienheureuse la colonisation romaine de la Gaule ». Et c'est vrai. On peut être gaulois, mais reconnaître le bienfait de la colonisation romaine à la France. Hein. Je crois qu'il faudrait être... Malgré son terrible prix de la guerre des Gaules. Il faudrait être de mauvaise foi pour en nier les bienfaits. Et donc, une colonisation n'est pas forcément négative. Et puis, j'ajoute que s'agissant de l'Algérie, avec la découverte du pétrole et du gaz au Sahara, bah, ça aurait quand même donné à la France, bien sûr que sans doute qu'il y avait des évolutions juridiques, administratives, politiques à apporter dans notre rapport avec l'Algérie. Nul ne le nie. Mais enfin, si on avait gardé quand même un lien, il est évident que si on avait eu cette indépendance énergétique que permettaient le pétrole et le gaz du Sahara, bah la France serait riche comme les monarchies pétrolières aujourd'hui, et serait fixée ses populations là-bas. Elle n'avait aucune raison de venir ici. Donc je crois vraiment que ça a été de la part de Gaulle un grand crime. Alors je sais bien, on va me dire, ce qui n'est pas faux, que finalement tous les pays ont décolonisé. C'est bon, même si le Portugal a gardé ses colonies un peu plus tard, jusqu'en 1975. Mais on va nous parler de sens de l'histoire, ce qui d'ailleurs est une vision marxiste. Mais moi je pense quand même qu'il y avait sans doute un autre destin, une autre possibilité pour la France, puisque finalement, disons les choses, je ne vois pas en quoi le fait d'avoir perdu ces territoires a apporté quoi que ce soit de positif à la France. Alors, bien au contraire, on le voit aujourd'hui. Combat d'aujourd'hui. Alors j'y viens. Excusez-moi, je suis volubile. Donc, faut bien aussi que les gens en aient pour leur argent, si j'ose dire. Puis faut bien occuper l'émission. Oui, alors, il y a d'autres. Il y a d'autres questions, bien sûr. Alors donc, s'agissant de du combat actuel de Rivarol, eh bien. Il est, je crois, contre le combat contre tous les mensonges. Mensonges historiques, on va pas trop développer ici. Non. Mensonges statistiques, mensonges politiques, mensonges religieux, mensonges sociétal, mensonges sous toutes les formes. Parce que nous vivons vraiment dans l'univers clos du mensonge. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'à bien des égards, nous sommes au régime communiste. Et je crois que c'était Solzhenitsyn qui disait « Les dissidents étaient à l'Est, ils vont passer à l'Ouest ». C'était prophétique, parce que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, il y a toute une série de mouvements qui se disent de la dissidence, et le fait est que on voit très bien que de plus en plus on vit dans des régimes où effectivement on ne peut plus critiquer un certain nombre de lobbies, un certain nombre de communautés, parce que c'est considéré comme une incitation à la haine, et alors que c'est ridicule. Bon, et à partir du moment où on ne peut dire que du bien un certain nombre de gens, bah, il n'y a plus de liberté, c'est la tyrannie, quoi. Puisque par définition, on doit pouvoir, si la providence nous a donné une intelligence, un bon sens, c'est pour nous en servir. Donc on est amené à sans cesse à devoir porter des jugements. Ça ne veut pas dire d'ailleurs nécessairement condamner qui que ce soit, mais il faut bien porter un jugement. Bon. Donc on ne peut plus le faire. Sur un certain nombre de communautés, on ne peut en dire que du bien ou se taire. Et c'est quelque chose qui est quand même effrayant. Et alors, toute forme de discrimination est considérée comme scandaleuse, mais la vie est discrimination. Hein, lorsque on choisit d'épouser une femme, on discrimine les autres, si j'ose dire. Bon, toute la vie est discrimination. Le club de tennis est des discriminations, est exclusion. La propriété est exclusion. Bon, et donc on en arrive finalement à des aberrations où c'est véritablement le bon sens et la liberté elle-même qui sont mises en cause. Quoi, on ne peut plus rien dire. Et au nom de la du refus de la discrimination, on arrive véritablement à des aberrations, et avec donc, l'idéologie égalitariste, avec le pseudo-mariage homosexuel, et maintenant la théorie du genre. Donc le combat principal de Rivarol, c'est contre le mensonge, contre l'empire du mensonge. Voilà. C'est, je crois, vraiment essayer de maintenir une flamme de la vérité, ce qui implique une certaine insolence, une certaine impertinence, c'est vrai, mais je crois que c'est quand même le devoir du journaliste, et je crois que c'est de crier dans le désert, c'est des saint Jean-Baptiste, la voix qui crie dans le désert, non pas que nous comparions aux précurseurs, mais enfin, voilà, je crois vraiment que il est important de dire les choses. Donc, alors évidemment, maintenant, on vit un effondrement de la civilisation qui n'était pas encore arrivé au point que nous connaissons aujourd'hui lorsque Rivarol a été fondé. C'est clair, c'est évident. Et c'est la raison pour laquelle je pense que plus les années passent, plus les lecteurs peuvent sans doute observer une forme de radicalisation du discours, des articles, de la ligne éditoriale, mais tout simplement parce que c'est la situation qui elle-même empire, et que par conséquent, eh bien, cela amène en quelque sorte à ce que l'on crie plus fort, en quelque sorte. Et s'être mis sous le patronage de Rivarol, d'ailleurs, c'est un sens, je suppose. Enfin, je suppose, pas que je suppose, j'en suis sûr chez les fondateurs, c'est-à-dire quand même, peut-être est-il bon de dire deux ou trois mots de ce patronage. Mais c'est un auteur contre-révolutionnaire. Voilà. Et je crois que, comme vous le disiez très justement dans un de vos articles, à juste titre très apprécié, dans votre chronique plutôt, très apprécié à juste titre de nos lecteurs, eh bien, vous disiez justement ce qui unissait les gens au banquet de Rivarol, dont je n'ai d'ailleurs que des échos positifs, hein, de ceux qui étaient, pas de ceux qui n'étaient pas. On y viendra, d'accord. Bon. Eh bien, c'est que justement, tous les gens qui étaient là, au-delà des différences qu'ils pouvaient avoir, eh bien, c'est qu'ils étaient tous contre-révolutionnaires au sens où ils défendaient la famille, la patrie, les valeurs traditionnelles, la nation. S'attachaient à l'ancienne France, la nation, et une certaine forme de bon sens, ayant un certain amour de la vérité, de leur terroir, de leur famille, du passé de la France, de sa grandeur, de son prestige, bon, et que par conséquent, ils voient assez désolé, et qui sans doute un certain sentiment d'impuissance, le pays partir à volo, et non seulement le pays, mais je dirais ses forces vives, tout ce qu'il compose, puisque lorsque vous avez 200 000 immigrés qui entrent chaque année, vous avez quasiment autant de Français, souvent d'ailleurs les plus dynamiques, jeunes, qui partent. Qui s'expatrie. Bon, et que par ailleurs, on voit très bien que tout s'aggrave de plus en plus chaque jour, quoi. La famille qui est disloquée, l'armée qui est quasiment réduite en miettes, les corps intermédiaires qui s'effondrent, et donc la morale, évidemment, qui elle aussi tend à disparaître. Et donc, il est bien évident que je crois que c'était très, très important d'avoir ce moment de ferveur et de rassemblement national et patriotique. Jean-Marie Le Pen a fait un très joli discours dans lequel il a cité Rivarol. Rivarol était un maître des belles phrases, des bons mots, des apophthegmes. Et Jean-Marie Le Pen a cité ce qu'il dit, parce qu'il avait un grand courage politique lui aussi, Rivarol. Il l'a cité, vous vous souvenez que Mirabeau était un moment le maître de l'heure à l'époque, et Le Pen a cité Rivarol qui disait « Mirabeau était capable de tout pour de l'argent, même d'une bonne action ». Mais il y en a comme ça, si on lit Rivarol, il y en a des centaines d'aussi drôles et d'aussi cruels. Moi, j'ai lu Rivarol comme adolescent, c'est vraiment un gâteau, voilà, à manger. C'est vraiment, toutes les phrases sont excellentes. Et il avait écrit dans vous souvenez peut-être, un journal, c'était un hebdomadaire, je pense, qui s'appelait Les Actes des Apôtres. Et moi, il y a un de ces articles qui m'avait beaucoup frappé, c'est là, parce que c'est très en avance sur son temps, où il imaginait un décret pris par la Convention où à partir du 14 juillet suivant, le climat serait égal sur toute la face de la Terre. Et il y avait déjà En germe, le critique de l'écologisme actuel, la critique de l'égalitarisme, tout y était, et surtout la critique du constructivisme, on peut appeler ça le constructivisme, c'est-à-dire de vouloir recréer le monde, et ce qui est là, si on s'élève au niveau théologique, on est en plein dans l'hérésie actuelle qui consiste à vous serez comme des dieux, à vouloir refaire la création, et là, Rivarol qui était peut-être pas un excellent catholique, mais qui avait le coup d'œil et qui avait, vous voyez, l'intuition. Bien, l'intuition de ce qu'il y avait, moi je crois que c'était exactement le propre de la Révolution et le danger actuel. Quand on parle voit la nécessité d'être contre-révolutionnaire, c'est que la révolution qui vient, aussi bien par la décadence que par l'invasion, veut amener un homme nouveau qui n'a plus rien à voir avec c'est l'homme. C'est cela. Du passé faisant table rase, hein, voilà. comme dit l'international. Table rase pour créer quelque chose de tout à fait, comme vous le dites, anti-catholique. Anti-européen, anti-français. Et qui s'en prend même à la nature de l'homme, puisqu'avec ce qu'on appelle le transhumanisme, on arrive à des choses absolument effrayantes qu'on n'eût pas imaginées, même il y a encore quelques décennies. Et avec le gendérisme aussi. C'est ça. Et qui est maintenant enseigné même à l'école. Enfin, je veux dire, on vit des choses absolument hallucinantes, effrayantes. Mais ce qu'il y a d'assez grave, c'est qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure avec Pierre Hillard, c'est que tout le monde, il y a une espèce de révolution par le haut. C'est pas le peuple qui fait la révolution aujourd'hui, pas du tout. Hein. Mais ça peut être l'Église, et ça peut être l'aristocratie, les têtes couronnées, c'est clair. On peut se demander pourquoi l'Église catholique n'a pas été abattue par ses ennemis maçons. Ben, peut-être tout simplement pour qu'elle participe au mouvement, qu'elle participe à la révolution. Bon, là je ne voudrais pas, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais je veux dire, toute la question de savoir si ce qu'on a face à nous, c'est ou non l'Église catholique. Ah oui, d'accord. Mais enfin, justement, les prélats, disons. Parce qu'il est évident qu'il y a eu une subversion. On se rappelle la haute vente au XIXe siècle, la révolution en charré antiape, la révolution par un pape, etc. Ce que disait donc la haute vente au XIXe siècle, etc. Et il est évident que depuis Vatican II, on a vraiment un changement à 180 degrés, puisque c'est la devise révolutionnaire qui est appliquée, la liberté avec la liberté religieuse, l'égalité avec la collégialité et la fraternité avec l'écuménisme libéral qui embrasse toutes les religions, qui met sur le même plan l'erreur et la vérité. Et il est certain que dans ce chambardement général, où on a retourné les autels, où on a tout bouleversé, où on a changé les constitutions religieuses, les rites, les sacrements, enfin absolument tout, eh bien, ce chambardement, évidemment, est un élément essentiel, même si ce n'est pas le seul, mais enfin, c'est un chambardement, c'est un des éléments très importants d'explication de la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, à n'en pas douter. Alors, une question d'un auditeur qui était encore un homme. Pouvez-vous nous dire combien de condamnés à mort ont collaboré au journal Rivarol? Le nombre, c'est une colle. Il y en a eu un certain nombre quand même. Petit paquet, hein, c'est vrai. Alors, il est 20h41. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie pour le libre journal de la liberté surveillée avec votre serviteur Martin Pelletier. Et je reçois ce soir Jérôme Bourbon, le directeur de Rivarol, pour nous parler de Rivarol, de son combat, de son banquet du 9 avril. Et il nous reste un quart d'heure, c'est peut-être le moment venu de parler de ce qu'on peut appeler, à mon avis, une manipulation de presse à laquelle s'est livré le Canal Plus et le Petit Journal, pas seuls d'ailleurs qui ont été repris, hein, mais quand même par les autres médias, contre Rivarol, et derrière Rivarol, précisément, pour moi, c'est la contre-révolution qui est visée, même si Rivarol ne pèse pas en termes de puissance financière et de tirage, évidemment la puissance des gros journaux, eh ben, ça les gêne que quelqu'un dise quelque chose qu'il ne faut pas dire. Alors, vous venez de nous dire comment s'est passée la journée, à quel point les gens semblaient satisfaits sur le terrain, si j'ose dire, dans le banquet. Eh bien, pourtant, ce n'est pas du tout ça, qu'on a vu dans les médias et notamment sur Canal+. Alors, qu'est-ce que c'est que ce traquenard monté par Canal+. Est-ce que vous pouvez en dire D'abord, le Petit Journal, on le sait, est spécialisé dans les montages. On coupe ce que les gens disent. On essaye de prendre des éléments pour essayer de les discréditer ou de les ridiculiser, de les tourner en dérision. Et donc, il est évident qu'ils sont venus le samedi. Le reportage à partir de lundi soir, ils ont eu largement le temps de faire les coupes nécessaires. Alors, d'abord, je voudrais répondre à une question qui est posée parfois, qui je crois est très importante. C'est faut-il, et c'est une vraie question, et à mon avis la réponse n'est pas forcément évidente, faut-il dans ce genre de rassemblement accepter ou non la présence de la grande presse ? En général, et nous ne l'acceptons pas. Et jusqu'à présent, nous n'avions pas accepté la présence de journalistes de la grande presse. Il est vrai que très souvent, on ne nous proposait pas, il faut être honnête, mais quelques fois on l'avait fait, on n'avait pas forcément donné suite. Cette fois-ci, à tort ou à raison, nous... Et après... des discussions, des hésitations, on a fait le choix d'accepter, d'abord parce que bon, il y avait quand même Jean-Marie Le Pen, le professeur Forisson, on l'avait demandé, il préférait qu'il y ait également des journalistes, je lui ai posé la question avant, et puis c'est sûr que quand vous avez quand même 600 personnes, c'est quand même un événement qui n'est quand même pas négligeable, parce que je suis pas sûr qu'il y ait quand même beaucoup de structures, même à Paris, qui puissent quand même réunir le même jour dans un banquet payant 600 personnes, malgré tout. Après tout, il n'est pas forcément légitime que la presse veuille en parler. Le problème, effectivement, c'est que, bien souvent, la grande presse, même s'il peut y avoir des journalistes honnêtes, mais enfin, dans l'ensemble, elle n'est pas là pour informer, mais elle est là pour désinformer. Ils se comportent, et surtout Canal+, en militant politique. Et c'est ce qui s'est passé. Alors évidemment, c'est toujours la question, est-ce qu'il vaut mieux qu'on ne parle pas de soi, est-ce qu'il vaut mieux le boycott, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'on en parle mal ? Vous savez, c'est la fameuse phrase de Le Pen, qu'on en parle bien ou qu'on en parle mal, l'essentiel c'est qu'on en parle. Ce qui peut se défendre, ça peut aussi se discuter. Il y a le pour, il y a le contre. Il est certain que d'un côté, ça permet d'augmenter la notoriété du journal et peut-être qu'il peut y avoir quelques curieux ou quelques personnes de bonne volonté qui peuvent ainsi peut-être le connaître, le lire et peut-être qui sait s'y intéresser. Donc ça, c'est l'aspect positif. Bon, l'aspect négatif, c'est sûr, c'est que ça augmente la haine contre nous. Ça, c'est évident. Des gens qui sont déjà hostiles, voire parfois des menaces. S'agissant donc de Canal+, il est évident que, ils ont réussi, dans les 8 minutes et quelques du reportage qu'ils nous ont consacré, à transformer un événement dont tout le monde qui était présent là-bas a pu constater qu'il était chaleureux, amical, sympathique, où les gens vraiment étaient contents et cela se sentait, cela se voyait et c'était très, très réconfortant, en essayant de faire passer pour des fous furieux, quoi, ou des malades mentaux, ou des gens complètement dingues, quoi, faut dire ce qui est. On savait très bien que venant à un banquet de Rivarol, ce ne serait pas pour en dire du bien. Je ne suis pas étonné du résultat, mais je pense quand même qu'il y a un certain nombre de gens chez nous qui sont capables de faire la part des choses et de voir que c'est un reportage tout à fait orienté, même si j'ai vu qu'il y a quand même des gens, même dans nos milieux, qui ont été, semble-t-il, influencés par, comme quoi la télévision finalement... influence quand même beaucoup, ont été influencés par ce reportage et finalement on dit du mal du banquet alors qu'il n'y était pas et que j'ai dit à ces gens-là, enfin c'est en tout cas que j'ai pu parler, je leur ai dit mais regardez les vidéos, d'ailleurs moi j'invite tous les gens, c'est le visionnage est gratuit, regardez les vidéos qu'on a mises sur notre site, c'est gratuit, hein, www.rivarol.com, vous cliquez dessus, hein, vous avez toutes les vidéos et l'intégralité des discours et des intervenants et vous pourrez juger sur pièce, est-ce qu'on a affaire à des gens qui sont des imbéciles ou des fous furieux ou des fanatiques ou est-ce que au contraire les propos sont sensés est-ce que ce qui est dit est intelligent ou pas ? Est-ce que c'est intelligible ? Est-ce que c'est sensé ou pas ? Chacun peut se faire une opinion. Mais il est évident que lorsqu'on fait des coupes, ou lorsqu'on choisit... Qu'on sollicite certaines interventions. Vous savez, c'est comme les caméras, c'est très facile, lorsque quelqu'un parle, d'essayer de prendre un moment où il a la bouche un peu de travers, où il n'a pas un visage très gracieux, parce que forcément, lorsqu'on s'exprime, on est amené parfois à faire un certain nombre de gestes, à voir peut-être parfois des rictus, etc., qui font qu'il est très facile, là aussi, de discréditer quelqu'un. Mais ça, ce sont des méthodes qui ne sont pas nouvelles, et par conséquent, on peut ainsi diaboliser un adversaire, mais vraiment un ennemi politique, puisque lorsque j'ai lu les articles qu'ils ont accompagnés, c'était véritablement... D'ailleurs, il y a même eu des menaces de procès, puisque je crois que un délégué interministériel à la lutte, je cite, contre l'antisémitisme et le racisme, la DILCRA, délégation interministérielle de lutte contre l'antisémitisme et le racisme, a annoncé qu'il portait plainte contre le professeur Forisson et peut-être même, les noms n'ont pas été donnés, contre d'autres personnes du banquet, mais on ne sait pas de qui il s'agit, on ne sait même pas si c'est vrai. De toute façon, on le saura dans les semaines ou les mois qui viennent, mais on voit très bien que il y a une volonté à n'en pas douter. de harcèlement, de persécution, mais ça, on en a évidemment l'habitude. Mais moi, je dois dire quand même pour ce banquet que vraiment, je suis très heureux de. Ça n'a pas été simple hein, déjà de trouver une salle à Paris de 600 places. Puis vous savez, autrefois, on trouvait des. Vous avez remarqué quand même une chose, bah, justement oui, dans leur petit truc, que ils ont essayé de comment dirais-je d'intimider et de diaboliser les responsables de l'hôtel qui a reçu Rivarol. Tout à fait. Alors, c'est vraiment des méthodes staliniennes. Tout à fait. Hein. Parce que justement, l'hôtel nous avait demandé, justement, comme on est quand même très marqué, et on l'a parfaitement compris, que et nous-mêmes, d'ailleurs, on ne souhaitait pas, pour éviter justement toute attaque éventuelle, toute agression éventuelle. Donc on avait fait en sorte de ne pas donner dans le journal lui-même l'adresse l'endroit où se trouvait le banquet. Et c'était une fois que les gens régalaient leur le repas qu'on leur envoyait individuellement les coordonnées exactes du banquet. Bon, mais effectivement, Canal Plus s'est montré particulièrement odieux vis-à-vis de l'hôtel, qui est un hôtel qui reçoit évidemment tout le monde et qui ne fait pas de politique, bien sûr, mais on voit très bien que. Et d'ailleurs, j'ai vu même dans les réseaux sociaux des gens qui ont dénoncé la direction du groupe, non seulement de l'hôtel, mais du groupe auquel il appartient, appelant même au boycott. Véritable folie, quoi. Et donc, on a vraiment affaire. D'ailleurs, je dois dire que on a des délateurs professionnels maintenant sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, même le patron de Radio Courtoisie, Henri Lesca, on a fait les frais, puisque lui-même a été. Il y a eu quelques soucis par rapport à un certain nombre de tweets parce que justement il a été dénoncé et c'est vrai qu'on ne peut plus rien dire maintenant. Ah. Mais ce qui me frappe, c'est que ce sont les mêmes qui dénoncent à juste titre le fait qu'il y avait des gens qui faisaient des dénonciations anonymes à la commandant Tour pendant la guerre, mais qui aujourd'hui, en toute bonne conscience, sont des délateurs professionnels. Moi j'en ai également été victime de cela. De même que ce sont ceux-là mêmes qui en général condamnent sans nuance l'Inquisition, qui sont pour une chasse aux sorcières de tous les gens qui ne pensent pas comme absolument. Eux. Absolument. Mais on sait que la gauche est le bien, par définition, oui, bien, oui, et mais que la droite là, est le mal. Ça va plus loin. Voilà. Là, justement, j'aimerais vous dire un mot sur Henri de Lesquin, c'est qu'il a participé à la journée, oui. Mais vous vous souvenez bien comme moi qu'il a pris le soin de se démarquer en disant qu'il était républicain, même que je l'ai hué à ce moment-là, et vous, donc bien montrer quelle était sa position. Hein. Et bien naturellement, tout ça a été coupé par le petit journal pour n'en laisser que l'image de quelqu'un qui se commet avec les factieux. C'est ça. Vraiment, c'est la meilleure preuve de la volonté de nuire et surtout de ces méthodes saliniennes. Et ce qui me désole, je ne sais pas si vous avez. Moi, je lis beaucoup Boulevard Voltaire, qui est un excellent site sur lequel je participe même, qui est le site de Robert Ménard et de Dominique Jamais. Eh bien, malheureusement, sur ce site, un garçon qui s'appelle Nicolas Gauthier a repris l'argumentaire du petit journal pour attaquer Henri Desquin. J'ai vu ça. C'est tout de même dommage. Je connais bien Nicolas Gauthier, je l'ai fait travailler à National Hebdo. Il a été à Minute à un moment donné. Il a travaillé sur un truc que j'avais fait qui s'appelait Téléfatra. Et il a ensuite participé à la dernière page sous le pseudonyme de Béatrice Perret. Donc c'est quelqu'un qui a un joyeux de riz, plutôt drôle. Enfin. Mais là, c'est se mettre avec l'ennemi. Contre l'ami, contre la personne. Mais ça n'a pas été le seul. Bon, il faut dire aussi, je faut être honnête, hein, je veux dire, bon, comme on prend des positions quand même assez tranchées sur un nombre de sujets, on n'a pas que des amis, même au sein de la droite nationale, hein, il faut le reconnaître. Moi, je pardonne à tout le monde. Hein, moi, j'ai subi des attaques, parfois extrêmement violentes, mais moi, je pardonne, ça fait partie du combat. De toute façon, la haine, ça rend malade, ça détruit oui, de l'intérieur. C'est ridicule. C'est contre-productif. Donc, moi, c'est pas le souci, ça. Moi, les attaques, il faut un peu se blinder, sinon, il faut faire autre chose. Hein, on fait son jardin, ce qui est très louable. Si on fait de la politique, du journalisme, hein, il faut accepter les attaques, bon, même parfois particulièrement ignobles. Bon. Mais ce qui. Bon, donc forcément, on a des ennemis, puis de toute façon, quoi qu'on fasse, on est forcément critiqué, d'abord, surtout, souvent par les gens qui ne font rien, d'ailleurs. Bon. Mais c'est vrai que. Bon, il y a un certain nombre de gens qui. Sans doute, sont influencés, comme je le disais, près à la télévision. Oui, ça peut, on est beaucoup plus influencés qu'on ne le pense par les médias audiovisuels. Ça a une force considérable. Hein. Vous savez, dans la France contre les robots, Georges Bernanos disait que